Laissez-moi kiffer, fêter comme j'en ai envie. Lève ton verre santé, ce soir on traque à nos vies. Laissez-moi kiffer, fêter comme j'en ai envie. Lève ton verre santé, ce soir on traque à nos vies. Laissez-moi kiffer, fêter comme j'en ai envie. Lève ton verre santé, ce soir on traque à nos vies. On dit que les fêtes sont plus folles sans, qu'il faut y aller avec modération. Mais quand tu ne bois pas, tu te sens pas dans l'ambiance. C'est quand tu bois trop, tu dors ou tu deviens con. On s'emballe, ce soir on est venu trinquer à nos lives, mec. Suis le délire et prends le mic, ouais. À nos 400 coups, à nos bons souvenirs, à tout ce qu'a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. À ces moments de doute qui nous ont vu souffrir, ce soir on y repense avec le sourire. Formaté depuis tout petit, on nous dit que pour réussir, il faut vivre l'American Dream. À votre santé, moi je profite de l'instant T. Je suis dans le délire, bien entouré. Y'a de la bonne zik, donc laissez-moi kiffer avec les potos. Juste une petite bouffée, un bon apéro. Les moments les meilleurs sont souvent les plus simples, n'est-ce pas frérot? Laissez-moi kiffer, fêter comme j'en ai envie. Lève ton verre santé, ce soir on traque à nos vies. Laissez-moi kiffer, fêter comme j'en ai envie. Lève ton verre santé, ce soir on traque à nos vies. Laissez-moi kiffer, laissez-moi saigner le bail. On arrive lors ta piste. À ce qui paraît t'aimer le rap, à ce qui paraît tu veux du son lourd. Viens on t'en donne, tiens on en a. Nous on fait pas du son pour toutes ces michetonnes qui veulent la quichta. De toute façon bas les couilles, je sais pas à qui je parle. Je vais pas te parler des mecs sous écrou. C'est une perte de temps, j'ai pas taille pour ça. Juste le temps pour faire des sous, mettre la famille à déco. Mec, je te dis, moi ça me dégoûte. L'État nous la met, on est des lobes, ça. Laissez-moi kiffer, j'pète la bouteille et tant pis, j'veux devenir millionnaire. Mais pour l'instant, c'est critique. Laissez-moi kiffer, j'pète la bouteille et tant pis, j'veux devenir millionnaire. Mais pour l'instant, c'est critique. Laissez-moi kiffer, fêter comme j'en ai envie. Lève ton verre santé, ce soir on traque à nos vies. Laissez-moi kiffer, fêter comme j'en ai envie. Laissez-moi kiffer, fêter comme j'en ai envie. Lève ton verre santé, ce soir on trinque à nos vies.